Deuxième heure de Can Rock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec l'Allons les Zones. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très, très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir l'excellence de la musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CHMR Saint-Jean-Terre-Neuve-Labrador, CKJM Chéticamp, WFM 98 Halifax, CIFA Baie-Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse, CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Envol 91 Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Commentaires, suggestions, même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs. Eh bien, laissez-moi leurs coordonnées à canrockcdn@gmail.com. Allons-y avec la deuxième partie du Bloc de l'Est, Québec-Ontario. On va commencer ça avec René Ray et le petit René. René Ray qui est à Toronto ces temps-ci pour le tournage de la série Ballade. Donc, ça risque d'être fort intéressant. Et puis, elle se promène un peu partout, bien sûr, tout au long de l'été pour partager sa musique folk fort intéressant. Comme je vous dis, on va entendre la pièce Le petit René. On va entendre aussi Geneviève et Alain qui nous ont proposé un premier extrait de leur nouvel album, Mon amour. Vous pouvez regarder le vidéoclip sur la page Facebook de Canrock, CAN Trait d'Union ROCK. Très beau vidéoclip qu'on les voit en studio, c'est vraiment bien fait. Donc, et c'est une très belle chanson en plus de ça. Mais pour l'instant, voici René Ray. La première écoute, la pire. Après ça, tu te rends compte que t'es en train d'en rire. C'est un mélange vocabulaire. Si tu y penses bien fort, c'est comme mon propre dictionnaire. Dans le petit René, ici, aime bien rire. Le passé composé, chez nous, il est imparfait. On en Ontario. De quoi je parle, chaque deux mots tu switch, cause ton brain et twitch. Tu brûles un peu sur le coup, to get used to it. Tu catches qu'actuellement, t'es juste plus intelligent. Pis dans le petit René, tu parles deux langues à la fois. Pis ça prend une bonne maîtrise pour te parler fluemment. Fluemment, sur je parle, pas bien, je bain. Bouche à faire des sons, ben louche, c'est pas bon. Y'a un mélange de mots anglais que mon cerveau y prononce en français. Mais là, je viens d'Ontario, là, give me a break. Au moins, je suis capable de parler français, c'est déjà bien. C'est-tu mieux, ça? Je te parle. Je parle en français comme il faut que tu répondes. Se redécouvre si on refait. fait l'histoire du départ. Dis, seras-tu où aller? Iras-tu où j'irai? M'offriras-tu encore chaque seconde? Souviens-toi, mon s'abat dans ma chambre où j'habite. Il y a l'ennui qui me hante, les lieux sont maudits, je suis seul. J'ai donné au cours de ma vie à tous ceux qui n'avaient pas d'amis. J'ai pleuré devant les enfants qui n'avaient ni lieu ni parents, ni souliers, ni de grands frères, aérés mordre la poussière. J'ai heurté sur mon passage, mais sois bon, dit le vieil adage. Je n'ai aimé qu'une femme dans ma vie, elle était mon amour, mon ami. Que c'est triste, les jours de pluie, son odeur reste dans mon lit. Je suis seul. Je suis le cadet d'une famille disparue à jamais. Je suis dernier, je m'y attendais. Toute ma vie, je l'apprécie. sûrement un des auteurs, compositeurs, interprètes, artistes les plus intègres que j'ai croisés dans ma vie, dans ma carrière. Michel Russell de Québec, on vient l'entendre, « Je suis seul », tiré de son album « La route sera longue ». C'est vraiment très intéressant ce qu'il fait. Il a un style particulier à lui. Et c'est de très bons textes, de très belles musiques. Et ce qu'on vient d'entendre, là, c'est vraiment merveilleux. Et vous allez du côté de la Lotbinière au mois d'août, du 7 au 11 août, bien, Michel sera là jeudi le 8 août à 19h30 à l'expo de Lotbinière pour proposer son folk, country folk rock assez intéressant. De bons musiciens qui jouent avec lui. Et je vous le jure, ses musiques sont intéressantes, ses textes sont intéressants. Puis en plus de ça, c'est un Moses de bon gars. Donc, si vous allez du côté de Lotbinière au Québec au mois d'août, le 8 août, ben vous allez passer une belle soirée avec le chanteur folk francophone Michel Russell. Ça nous amène à notre bloc de musique instrumentale. Et j'ai pour vous tout simplement une pièce de Étienne Beau Soleil. Je l'ai croisé la semaine passée ici à Penetang Machine et il demeure toujours à Montréal. Il travaille avec deux, trois groupes. Il fait de la musique jazz à Montréal et c'est assez intéressant ce qui se passe avec lui. Donc, puis c'est un Moses de bon musicien. C'est un gars de la place de Penetang Machine. Il joue de la contrebasse. Et lorsqu'il a fait ses études à McGill, il devait produire un spectacle et un CD. Et j'ai reçu une copie de son CD Persévérance. Et la pièce qu'on va entendre, c'est tout simplement la pièce qui s'appelle Influence. Très bonne pièce jazz, vous allez voir. Il y a aussi notre bon ami Benjamin Deschamps qui, lui, est en tournée un peu partout cet été, en Alberta, entre autres, au Québec et aussi. Mais il sera au Festival de jazz de Toronto le 30 juin prochain, donc dans quelques jours. Et puis, c'est lui aussi, c'est très intéressant ce qu'il fait. C'est un saxophoniste que j'ai découvert comme ça. Il a été nommé Révélation Jazz il y a 2-3 ans, je pense, du côté de ici Radio-Canada, Révélation Jazz. C'était le Benjamin Deschamps Quintet. Et on va entendre une pièce de cette formation-là. J'ai choisi la pièce qui s'appelle tout simplement Slow Cooking. Et vous allez voir, c'est très, très, très intéressant comme musique jazz. Moi, j'aime bien ça. Donc, on va l'entendre dans quelques instants. Ça terminera notre bloc de musique instrumentale. Mais pour l'instant, on y va avec Influence tirée de l'album Persévérance. Voici tout simplement M. Étienne Beau Soleil. Thank you.